Et maintenant, si vous permettez, Madame Ivolguine, je vais m'asseoir sur ce canapé. Oh mon Dieu, comme vous êtes à l'étroit dans votre maison. Où se trouve votre cabinet de travail, Gabriel Ardalionitch? Je n'en ai point, Nastassia Philipovna. Oh. Et où mettez-vous vos pensionnaires? Car vous avez des pensionnaires, n'est-ce pas? Gabriel Ardalionitch pâlit. Il fit deux pas en direction de Nastassia Philipovna et jeta sur elle un regard terrible. Mais bientôt, il baissa la tête et chancela. Je courus vers lui et lui entourai les épaules. Mais vous vous trouvez mal, Gabriel Ardalionitch? Voulez-vous un peu d'eau? Oh, quel idiot vous faites! De quoi vous mêlez-vous, prince? Tiens, ce personnage est prince? Oui. Imaginez-vous, Nastassia Philipovna, qu'il l'est vraiment. Oh, mon Dieu! Moi qui l'ai pris pour un laquais tout à l'heure. Mais prince, pourquoi ne m'avez-vous pas détrompé? Bien, j'étais si étonné de vous voir arriver ici. Vous comprenez que je... Je vous comprends. Mais comment m'avez-vous reconnu, prince? Où m'aviez-vous vu auparavant? Je ne vous avais jamais vu. Mais je savais que je devais vous rencontrer. Et au moment de vous ouvrir la porte, je pensais à vous. C'est étrange. Plus je vous regarde, plus il me semble que je vous connais aussi, prince. Cependant, je suis persuadé que je ne vous ai jamais rencontré. Ah, oh, si, en rêve. Mais dans mon rêve, vous étiez très beau. Or, vous êtes plutôt laid. Excusez-moi, je vous ai peut-être peiné. Je ne souffre pas d'être laid. Je souffre, lorsque j'ouvre les yeux, de voir la laideur de ce qui m'entoure. J'avais à peine articulé ces mots que le général Ivolguine se glissait entre Nastassia Philipovna et moi. Ardalion Alexandrovitch Ivolguine, un vieux soldat et le chef de cette famille. Madame, j'ai l'honneur de vous saluer. Et je revendique le droit de vous baiser la main. Vous êtes le père de Gabriel Ardalionitch. Oh, je suis enchantée de faire votre connaissance. Est-ce vous qui vous cachez ou est-ce votre fils qui vous cache? Vous, au moins, vous auriez pu venir chez moi sans vous compromettre. Oh, quel vilain visage vous faites, Gabriel Ardalionitch. On dirait qu'on vous supplicie. Nastassia Philipovna, veuillez libérer mon mari. On le demande. Le laisser partir? Vous n'y pensez pas, Nina Alexandrovna. J'ai tant entendu parler de lui. J'ai tant désiré le voir. Oh, général, vous n'allez pas m'abandonner si vite. Je vous donne ma parole qu'il viendra vous voir, chez vous. Mais à présent, il doit prendre du repos. Vous ne voyez pas qu'il est fatigué? Très fatigué. Général, on dit que vous êtes fatigué. Moi, je vous trouve une mine superbe. Mais en effet, je me porte à merveille. Et comme vous, je m'étonne que Nina Alexandrovna, ma femme, s'inquiète de ma santé. Allons-nous-en d'ici, maman. Cette femme nous prend pour cible de ses railleries. Pars toute seule, Varvara. Moi, je resterai. Et je supporterai tout, puisque Dieu a voulu nous infliger cette dernière épreuve. Nastassia Philipovna avait certainement entendu les propos qu'échangeaient la mère et la sœur de Gabriel Ardalionitch. Cependant, sa bonne humeur ne semblait pas en être altérée, tout au contraire. Elle continuait à sourire et à poser au général sans questions, toutes plus absurdes les unes que les autres. C'est alors que Ferdishchenko, le pensionnaire qui m'avait demandé tout à l'heure si on pouvait vivre avec un nom comme le sien, pénétra sans frapper dans le salon. Après quelques hésitations, il s'assit dans un fauteuil et installa confortablement ses longues jambes sur un tabouret. Surgissant à son tour dans le salon, Kolia, le frère cadet de Gabriel Ardalionitch, se planta en face de Nastassia Philipovna. Vous avez vu pénétrer ici sans aucune gêne notre pensionnaire Ferdichenko. C'est un homme dépourvu d'argent et d'honneur, Nastassia Philipovna. Cependant, nous le gardons chez nous, car chassé d'ici, il ne lui resterait plus qu'à se pendre. Mais je m'écarte, madame. Vous m'avez demandé si je connaissais le général Ivan Yepanchin. Eh bien, je le connais. J'étais même très lié avec lui. Lui, feu le prince Nicolas Mishkin, dont le fils Léon Mishkin est ici présent, et moi, nous étions inséparables. Mais hélas, L'un est dans la tombe, tué par la calomnie et les balles. L'autre est devant vous et lutte à son tour contre la calomnie et les balles. Contre les balles, général, mais comment cela? Elles sont là, dans ma poitrine, depuis le siège de Kars, chère madame. Et je les sens quand il fait humide. Et quand il fait sec, général? Il faut que je réfléchisse avant de vous répondre. Mais au diable les balles. Je préfère vous parler de mon autre ami, le général Yepanchin, avec qui j'ai dû malheureusement rompre toute relation à cause d'un épagnol. Oh, papa, arrêtez-vous là, je vous en supplie. Comment ne vous rendez-vous pas compte que cette dame ne cherche à vous faire parler que pour mieux se moquer de vous? À cause d'un épagnol, comme c'est triste. Racontez-moi cela. Oui, je vais vous relater cette histoire brièvement, enfin assez brièvement. Un jour, je prends le train pour me rendre à l'étranger, je trouve un compartiment vide, je m'y installe et j'allume un cigare. Tout à coup, juste avant le départ, une dame accompagnée d'un épagnol s'assoit en face de moi. Puis elle fixe les yeux sur moi. Le train s'ébranle, je continue à fumer, car nul écriteau ne dit qu'il est défendu de fumer dans ce compartiment. La dame, elle, continue à fixer de ses yeux mon cigare. Plusieurs minutes s'écoulent ainsi. Moi, je tire sur mon cigare, la dame regarde d'un œil irrité mon cigare, ni elle ni moi nous ne proférons une parole. Et soudain, elle se lève, saisit mon cigare et jette par la fenêtre. Sans dire un mot, sans vous faire la moindre observation, oui, mais cette personne devait manquer totalement d'éducation. Vous croyez? Je ne le pense pas. Tout dans sa manière de se tenir et dans sa façon de s'habiller indiquait en elle, comment dirais-je, indiquer quoi, général? Eh bien, que cette dame était de la meilleure société, et de la meilleure société anglaise. Pour tout dire, une l'aidait. Passons, général. Dites-moi plutôt ce que vous avez fait lorsque cette lady a jeté votre cigare par la fenêtre. Ce que j'ai fait? Mais ce qu'un homme de mon rang pouvait faire? Je me suis approché de l'épagnol et... Papa, on vous demande dans le vestibule. Venez, je vous en prie. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Pierre Noël, Gabriel Ardalionitch, Roger Monteau, le général Ivolgin, Jean-Pierre Lorrain, Kolia, Noël Bernard, Nina Alexandrovna, Paul Ramaroni, Varvara Ardalionovna et Sylvia Montfort, Nastasia Filipovna. Musique d'Edgar Cosma, production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.